Comment? Oui? Prêt? Thank you. Oui. Ben, je trouve que tu t'en sors bien. Je trouve que tu t'en sors bien. On change de morceau? Combien? 100, d'accord. Je t'entends mal. François, je l'entends bien la guitare. Non mais là, en plus, je jouais juste avec les doigts de la main gauche, alors là, ça devrait aller mieux. Oui. D'accord. Oui, on réessaye. Oui, François. Oui, j'ai essayé de retrouver le morceau, mais le problème, c'est que j'arrive pas à l'entendre. Ben, si, j'entends bien la partie de guitare, mais moi, je trouve que je ne suis pas certain de ce que je fais, moi. Alors, je voulais réécouter le morceau, mais je ne sais pas comment faire. Parce que là, je l'ai sous les yeux, mais je l'entends pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il faut que je réécoute un peu. Donc, il faut que je me déconnecte et puis... Non? faire pour man plutôt, ouais. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Bon, on fait pour man. On modifie le BPM? Oui, 120. Attends.